Naked et j'prends le sable dans les yeux. La plage brûle mais l'horizon est bleu. Race m'appelle, ses flammes en sorcelle. Cowboy de drill, la légende se révèle. Chaque coup de marteau résonne comme un beat. Chaque planche claque comme un snare qui s'invite. J'construis ma base sur vos cadavres. Ride est-ce qu'il le juge, l'homme qui s'abat. Vos tours elles chantent mais mes balles prient. Chaque wall rig tombe, chaque rêve fuit. Vos coffres pleurent sous mes mains calleuses. La drill s'élève, vos voix sont honteuses. Rider's skill rise. Cowboy drill in your broken skies. No safe zone, no prayers survive. I'm the ghost that keeps alive. Pour ça c'est qu'il y a que la porte s'arrache. Fait vibrer les oreilles que la basique. De voir au Keko métallique. Drill et western, un mélange tragique. La poussière danse sous mes Timberlands. Les chevaux me remplacés par le sang. Tunnel Mili, je suis l'ombre enragée. Chaque pas pèse comme un drop piégé. Rust in flames, rider's gear rise. Cowboy grill in your broken skies. No safe zone, no prayer survive. Flamme dévore, vos cris s'éteignent. Mon nom résonne, vos rêves s'éteignent. Le Far West vit dans ce monde rouillé. Drill éternel, cowboy damé. Chaque note perce comme un cri du désert. Chaque exode détombe comme un marteau de fer. Vos basses pleurent, vos clans s'effondrent. Riders qu'ils chantent, vos âmes succombent. Rust in flames, rider skill rise. Cowboy drill in your broken skies. No safe zone, no prayer survive. I'm the ghost that keeps alive. Quand la poussière tombe, je suis encore là. Rider skill, vive aux ombres, n'existe pas.